Quand l'astre se réveille, que l'enfant s'émerveille, rien de plus n'a de goût, aussi le dégoût rend fou. Toi, belle reine de ce monde, douceur des neiges qui tombent, ombre de leur lumière, tu laisses un goût amer, tu laisses un goût si doux à tes frères trop perdus. Toi, leur guide dans la nuit, nuit muet, infini, vole, vole, vole avec tes ailes trop folles. Vole, ne prends pas le temps d'apprendre le poids du temps.